La big antenne. Vous êtes toujours avec nous en direct, c'est la Big Antenne, bien évidemment, et c'est toujours avec un grand plaisir que vous retrouve ce soir, messieurs, dames, en cette soirée des plus ensoleillées sous le soleil Romarie Montain. Et c'est toujours vos humbles serviteurs qui sont ici présents pour vous servir, messieurs, dames, avec face à moi ce soir, émission intimiste. Alors avec face à moi, mon acolyte est toujours de bonne humeur, Boudiax. Notre bien-aimé Mr. Drex. Bonsoir. Notre bien-aimé Mr. Drex qui est présent ce soir. Et à ma droite, j'ai aussi notre saltimbanque national, notre saltimbanque qui est dans la place lui aussi ce soir et que l'on accueille avec un grand plaisir. Notre ami Maskim qui est présent avec nous ce soir. Donc petite émission intimiste puisqu'on vous réserve plein de surprises pour les quelques mois à venir, pour toute l'année à venir. Restez connectés. On nous annonce déjà plus de 450 000 connectés sur le compteur, les réseaux sociaux s'affolent, ça va être le bordel, ça va être le Bronx, ça va être get down on it motherfucking flow mon petit Drex ce soir. Exactement. On va rentrer directement dans le vif du sujet puisqu'on est là pour ce soir encore une fois. Oui. Casser des nuques, on est là pour ça ce soir, comme à notre habitude. Donc on est là ici pour vous déboîter la nuque. Alors on va vous mettre, pour commencer, pour mettre directement les deux pieds dedans, un petit morceau de Xaface. Le titre s'appelle Dog, c'est du très très lourd, ça vient des States, The Hot Xas Against Us, et c'est pour vous ce soir en exclusivité, ce soir très du très très lourd au programme. On va réchauffer un peu les cabanes, on reste connecté. Big up à Teddy. On reste connecté sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Restez connecté avec nous, bande de petits bâtards. Shit's getting wild there, dog. But you ain't even got a crowd there, dog. Except that asshole cop and that redneck prick from the Bass Pro Shops, dog. You can't help yourself, can you, dog? You gotta rap for me outside the venue, dog. And I don't mean to offend you, I'm sure you're nice, but I got shit to attend to, dog. Everybody swear that they're wildin', everybody rap like they're violent, everybody wanna make a name, wanna play the game, wanna gain fame, but on a bigger scale they are silent. Yeah, you better call your mother now, dog. You in a whole world of trouble now. It's a lot of shit to shovel now, dog. And every single rap went blah blah blah, dog. This is Tim Robinson comedy. What does that mean? I think you should leave, dog. Fuck your Kickstarter and your Patreon, dog. You were once sad homo sapien. I mean, this is how I feel if you listen to the song. Dogs, dogs, dogs, dogs, dog. Dog. Dog. Now you ain't crazy loco, dog. You got your shades of Sunoco, dog. Plus you wear them on top of your hat, dog. That is not the way to act, dog. That is not the way to dress, dog. That's stabbed and laid to rest, dog. Everything is hashtag blessed, dog. Cause you got a score to settle with your records, dog. Smile extra big for the photo, dog. Make sure you include the logo, dog. Yo, it's all kind of pitiful. Broadcasting happiness might mean you're miserable, dog. You don't give off the goon vibe, dog. Send your lip sync into Maroon 5, dog. There are more crack dealers on the mic, dog, than there are crack users, you know I'm right. Wait, you make stacks, but rent you made back. No, I don't play that or entertain that. I met your dame back, stage will say that. She deserves much more gent to pay gap, dog. To every time Dick and Gyllenhaal, optometry the way I make a spectacular, y'all, dog. Ooh, I think somebody shitting, dog, dog. Fuck a fucking grip. Yo, fucking post your free fucking clothes, fuck, dog. Look at me with my drink and fucking rule of fuck. This is an unfocused, aimless work, correct? But if Abba-dabba-dabba did it, it came from his beautiful fucking mind. Right, right. It's about a vibe. Dogs, dogs, dogs, dogs. I mean... Hello? C'est vous? C'est nous? Big V? De la Big Antenne ? Est-ce qu'on est vraiment à la Big Antenne ? Hey, bien sûr. Ah, mais oui, on y est. Vous êtes à la Big Antenne ce soir. Vous êtes à la Big Antenne, vous restez connectés avec nous ce soir, ladies and gentlemen. On est toujours sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il nous faut, bien évidemment. Qu'il nous faut à tous. Il n'y a pas de problème là-dessus, on est bien d'accord. C'est toujours la fréquence qu'il nous faut, on reste connectés. On vient de vous mettre donc juste à l'instant dans vos petites oreilles chastes et fragiles, messieurs, dames. Un morceau donc de, j'arrive pas à le prononcer. Hein, Scissor Face. Scissor Face, avec un CZ comme du CZW. Scissor Face, c'est ça? Oui. Comme le, avec une Spectadec de Wu-Tang et avec le duo C'était les Nésotériques. Qui nous viennent du groupe Army of Pharaohs. Army of Pharaohs. Donc, ouais, déjà des grosses pointures dans le rap. Ça, Paris. C'est du lourdax. Tu me parlais d'un mec qui était dans MF Doom aussi, plus ou moins, enfin, qui gravitait autour de MF Doom aussi. J'ai badé, en fait. C'est pour d'autres projets, en fait. D'accord. Enfin, MF Doom qui a produit, bah, du coup, certaines des prods pour Scissorface. D'accord. Donc, on voit un peu... On imagine un peu les connexions en tout cas, et donc un morceau bien inspirant, bien sympathique. Toujours dans les zik un peu, ouais, old school, trippy. Ouais, un truc assez sympa, effectivement, assez sympa. Écoute, tant qu'à faire quelque chose qui n'est pas dans la langue de Molière, puisque ça nous arrive aussi à l'émission, hein, de toute façon, moi je propose de passer déjà directement quelque chose de muscler un peu la musique, de muscler la programmation directement. On va déboîter la nuque directement, puisqu'on est là pour ça, de toute façon. Moi je vous propose un petit Moscow Death Brigade après, on fait de la petite pub pour les copains de Infréquençable qui vont jouer avec eux bientôt à la Souris Verte, en première partie à la Souris Verte, à la salle des Pinal, et avec Moscow Death Brigade, c'est un groupe qui nous vient très très lourd, qui nous vient de Moscou, comme leur nom l'indique. C'est trois MC, enfin de deux MC et un DJ. Ils sont tous clairement militants dans la scène antifasciste, antifa moscovite. Ils font des tournées internationales. C'est un groupe qui commence à avoir une réputation internationale. Ça fait déjà 4-5 ans qu'ils commencent à tourner sévèrement. Et donc on les retrouve sur les planches de la Souris Verte prochainement, nos amis Moscow Death Brigade. On vous propose deux morceaux d'eux. Le premier titre s'appelle It's Us, c'est nous, sorti en 2015. Et le second morceau, What We Do, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous cliquez, et puis hashtag, voilà, vous tapez Moscow Death Brigade. Ils font des clips plutôt sympas, bien fédérateurs dans le délire aussi. Antifa, du Kenny Arcana sous testostérone, si tu veux. Non, mais dans le délire, ça pourrait faire penser musicalement à des trucs un peu... on n'a pas d'équivalence en rap français. En rap français, à quoi ça pourrait faire penser. S'il y avait un équivalent, perso, ce serait un truc que je kifferais sûrement pas trop. Voilà. Ah ouais, remarque. À des sonorités, peut-être, ce qui peut se faire un peu avec le Drugs Brigade, peut-être, éventuellement. Peut-être, je sais pas. Ça pourrait me rappeler ça, éventuellement. Mais dans l'idée, on vous balance ça, et vous écoutez, et puis vous réagissez sur les réseaux sociaux, cliquez bande d'escalope. C'est parti, vous restez connectés, c'est le 107.0, puisque c'est la fréquence que tout le monde faut. À tout le monde, il faut. Here we go, c'est parti. Moscow Death Brigade. Red, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black of the cold, we'll give out the mood. Getting dirty white snakes in a three-four tracksuit. We call the brand so hard, move. Never going all to the middle land dudes. With the biggest sound that the major of fans. Carrying around, busting back full of break and dagger stamps. We rise against, with a mind of black, with some dirty hands. What I gonna do, we call you out to the right. What I gonna do, we never stop, never try. The car's made of hay, and I know it's feeling fire. Just a look behind the back, now don't cry. What we do, travel to the wall, break it through. Who our crew, we do what you want to get right through. What we do, that rolls with the wall, break it through. Who our crew, we do what you want to get right through. What we do is bring booty beats for the spring. Can't overcome the positive hum of this thing. Boom, bap, kick drum, dance for the gift come. Gotta get a grip, dirty band in your eardrums. Spike better than jump scan. Take the rap punk from an insulated muscle basement. Hurt the basement, blade at the rave levels of amazement. Reason for full speaking. Jump around, bang your head like a mad one. Beat from the pigs, for the criminals are hoodlums. Don't drop bars like a master. Just a guy and a mic and a get a blast of playing faster. I ain't one of them, we the nigga blasted. We are not to the violent wannabe gangsters. Cut honestly, but I shitty fast forward. Questionable character, yes and then some. What we do? That rolls through the wall, break it through. Who want your crew? We do what you want to get right through. What we do? That rolls through the wall, break it through. Who want your crew? We do what you want to get right through. La Big Antenne. Oh, c'était un jingle écourté, ça, mon gars. Oh oui, mais c'est tellement bon. Même le peu qu'il y a eu, c'était quand même super bon. C'est quite amazing. Vous êtes toujours sur le 107.0. C'est toujours la Big Antenne qu'il vous faut. Messieurs, dames, on reste toujours connectés. On reste toujours en direct sur Radio Gamozo, la fréquence à qui... À qui cela peut permettre de vouloir falloir. Ouais, dans l'idée, ouais, c'est ce que j'aurais dit, pas mieux. On vient de vous laisser son, donc, messieurs dames, avec deux gros sons un peu plus musclés, entre guillemets, que ce qu'on peut peut-être ou avoir l'habitude de proposer, ou en tout cas différemment, avec, voilà, il y a... On a déjà mis des belles choses. Mais donc voilà, là c'était Moscow Death Brigade, donc groupe de Moscou, hip-hop fusion, hein, on pourrait dire. Hein, et, ce qui colle pas mal aussi avec les copains d'Infréquençable, donc comme on vous disait, qui vont jouer prochainement sur les planches de la Souris Verte. Big up à tous les copains d'Infréquençable et autres. Maxime, puisque vous êtes Maxime, vous représentez un peu une association de malfaiteurs et de bracassés qui s'appelle... Je sais pas si c'est légal d'en parler. Ah, bah on va essayer quand même quelque peu, c'est ça. Autant que faire se peut. On va parler de l'association MC Connexion et d'un festival qu'on est en train d'organiser tous ensemble, hein, qui aura lieu donc une seule date que le public doit retenir. Le 5 septembre. Un gros festival avec pas mal de réjouissances à la clé, on est d'accord ? Oh oui. Donc de la musique, des saltimbanques. De quoi bien s'amuser ? De la boisson, de la rituels sataniques. Des rituels. Non, ça c'est pas ça, on a changé pour ah, la pas date. Encore. Non, on en reparlera hors antenne. On en reparlera hors antenne. À l'émission prochaine. Non, un festival donc qui veut faire la part belle à la culture hip-hop en étant familial pour tout public. Moi toujours. Est-ce qu'on peut même prétendre intergénérationnel ? Un peu, du moment que les gens viennent se déboîter la nuque. C'est ça. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Viennent profiter des rythmes enivrants, viennent profiter des arrangements musicaux, de la pertinence de la prose de certains artistes. passer un bon moment, se rencontrer. La bonne bouffe et la bière aussi. La bonne bouffe, la bière, des produits régionaux. Bien sûr. Des ateliers pour les gamins aussi, donc il y aura un peu de jonglerie. Il y aura aussi des démonstrations de skate, des choses comme ça. Des stands de tests de drogue. Non, Drake, c'est pas le même jour non plus. C'est pas le même truc non plus, Drake. C'est pénible, hein, c'est pénible. Le calendrier, il faut le consulter, les gars, quand on le donne. Ah, il mélange tout. Non, il mélange tout. Ah, c'était pas la journée des enfants. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc, un festival qui promet d'être, ma foi, fort sympathique, on est d'accord. Qui promet d'être fort sympathique, avec donc pas mal d'artistes aussi au rendez-vous. On peut citer donc tout au long de la journée des artistes qui seront présents, des artistes hip-hop. On peut citer, on annonce des noms déjà, quelques noms. On l'avait déjà dit, mais oui, on peut citer les copains d'Infréquençable. Du local. Pas Nicolas et Gédéon, mais Célu Gédéon qui seront présents. Célu Gédéon, les potos de Célu Gédéon. Il y aura aussi Vix Point Rouge qui sera de la partie. Les bras cassés du fond du crew, ils seront là aussi. C'est dommage, mais ils seront là aussi. Il en faut pour tout le monde, hein, il en faut pour tout le monde, malheureusement. Il y aura aussi Napalm qui nous vient de Montbéliard, qui sera de la partie. Et aussi, comme on vous l'avait dit, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est l'usine. Qu'on est vraiment, vraiment, vraiment content d'accueillir dans nos contrées vosgiennes et qui vont retourner les vallées pour quelques temps en tout cas. Et ça devrait être très, très, très lourd. Parce que ça va résonner. Ça devrait résonner dans le bousier. En tout cas, justement, vous parlez de Napalm, c'est un mec qu'on apprécie particulièrement. On aime bien son son. D'ailleurs, on a le poteau Procès qui est du coin, qui a eu l'occasion de faire des petites collabs avec, qu'on va vous faire écouter justement. Je ne sais même pas si on l'avait pas déjà fait écouter aux auditeurs, cette chanson, peut-être. Sûrement. Mais enfin bon, voilà, de toute façon, on fait la promotion des copains, des copains, des copines, et on met la musique que l'on veut. Hein, c'est exactement ça. Donc si les gens ne sont pas d'accord, c'est nous qui décidons. Donc on va vous mettre deux morceaux de notre ami Napalm qui va venir jouer donc, pour le Hip Hop Fest 2020. Le premier titre sur une prod donc, du copain Procès qui s'appelle Poignée de Punchline. Tout le monde connaît les Poignées de Punchline. Non, c'est quoi? Alors le principe, mon petit direct, d'une Poignée de Punchline, c'est quoi? Tu saurais pas dire? C'est écrit des punchlines sur du papier, tu mets dans un chapeau et tu prends une poignée, puis tu les mets ensemble et ça fait un texte. Voilà, c'est presque ça. Après, c'est un collectif qui fait ça sur la toile de l'internet. Et il y a plein d'artistes qui sont passés par les poignées de punchlines. Ça marche plutôt bien. C'est cliqué comme truc, ouais. Et donc, du coup, Napalm pour ses poignées de punchline. Et juste après, avec le titre, poignée de punchline, sur une prod de Procès. Et après, attention, humour, hein, c'est pas de moi, c'est de lui. Avec le titre, on Napalm, même objectif, sur une prod de Devana. C'est en principe, j'aurais dû avoir un jingle tout le temps, mais on n'a pas. C'est donc deux morceaux sur l'album Plein d'essence de Napalm, qui est ma foi, qui sonne particulièrement bien dans les oreilles, assez qui a un son bien défini, qui est une étiquette Napalm, c'est assez sympa en tout cas. Donc voilà, on va vous laisser découvrir ça sans plus attendre. Vous restez connectés, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur 107.0 et c'est la fréquence qu'il vous faut. Découvrir. Here we go, moment découverte. C'est à la prod. Je te parle fric, shit, traquenard et contrefaçon. Sombre le manoir, fais pas de manière, serre un whisky sans glaçon. On met toujours un paxon, derrière une lumière d'halogène. Je prends, j'effrite le marron que j'aime. Et je comprends toujours pas vos gènes entre les personnes misogynes. En pleine cure de spiruline, j'essaye d'aiguiller mes rails pendant que d'autres inspirent une ligne. Epic, un spliff, une rime, la dégaine d'un énergumène. Qu'a juste envie d'une île loin de toute cette merde humaine. Mais j'ai pris un kiff aux tarneries. Où sont mes tarés? J'arrêterai de tourner en rond quand mes projets seront carrés. En vrai, c'est bien beau de parler. Je fais rien de gargantuesque. On ne comprend pas mon phrase et tellement mon accent plus leste. Ouais, ça sent la révolte. Quand je peux rage, je me révèle. Mais quand faut baiser les voltes, j'ai l'impression que je me réveille. Car c'est toujours pareil, moi. Mes Nike et ma casquette balance des mots fantastiques. Mon mic en frein et casse-tête. Un rhum qui oui passe, t'es rien d'extravagant. La technique est offensive en tant qu'ex-attaquant. J'ai tous mes textes à déco. Classique slogan anarchiste. Comment peut-on bronzer en prétendant être un raciste? Yo, Je débarque, aucun cri de guerre, juste un kit de kicker. Un pétard, elle me fait pas croire que le public a pris peur. Big up à Give Me Five, à l'équipe indécence, descend. Je viens mettre le fire avec le pied plein d'essence. Je débarque, aucun cri de guerre, juste un kit de kicker. Un pétard, elle me fait pas croire que le public a pris peur. Big up à Give Me Five, à l'équipe indécence, descend. Je viens mettre le fire avec le pied plein d'essence. T'es plus vieux, mais je t'appelle Minus. T'es mal et sinistre, on approche du terminus. Donc je les vais un doigt pour ces ministres qui s'en foutent plein les sinus. Jouant les équilibristes, un verre de rouge en finesse avant un défilé triste. Époque, petit périmètre où les élus sont périmés. En rappant, je me suis senti naître. En arrêtant, j'ai déprimé. Rien ne sert de trop trimer. On ne sait plus qui sont nos cibles. Je lâche un braquage lyrical vu qu'on est en plein génocide. Mais pas content de l'action, je demande pas de contemplation. Je perds ma concentration quand ça parle, quand de concentration. De toute façon, j'apporte aucune aide au Mali. Lino box avec les mots, je le fais façon Mohamed Ali. J'fais ma poignée de punchline, pas pour la palme d'or. Bah ouais, crois pas que la palme d'or. J'fais ma poignée de punchline, pas pour la palme d'or. Give me five. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. On n'a pas le même objectif. On n'a pas le même. On n'a pas le même objectif. J'ai commencé, j'étais tout jeune, je pensais pas continuer. Assis dans la pribus, bouteille de rhum non diluée. Je n'étais qu'à l'école, la tête était tellement loin. La street avait ses codes, mes textes n'avançaient en rien. On voulait du Lacoste, tes notes sont dans la caisse. Que le succès nous accoste, là, assis dans la tête. Juste une instru et un poste, un freestyle et un pet. L'incruste après un pote qui vient de taper un tête. Oh, mec, c'était l'époque, on était bruyant. Avance dans le brouillard et des brouillards, le regard fuyant. Je pensais même pas prier, je smoke tant de. Je mets mes rimes dans un baril et qu'elles te rentrent dans le crâne. On se croyait ghetto à faire un clip dans la cave. Plus tard, ça prend du bédo grâce au virement de la cave. Je parle, mais je ne suis pas fier d'avoir goûté à ça. Ça va, j'ai pas les mains sales, je veux faire sauter la salle. On n'a pas le même flow, on n'a pas le même mic. On n'a pas le même objectif au final. C'est pas la même zone, c'est pas les mêmes vibes. On n'a pas le même, pas le même, pas le même. On n'a pas le même flow, on n'a pas le même mic. On n'a pas le même objectif au final. C'est pas la même zone, c'est pas les mêmes vibes. On n'a pas le même, pas le même, pas le même. J'avais préparé le pactage, oui des packs d'alcool. J'étais même prêt au partage si on décrochait le pactole. Mais bon, les choses changeaient moi avec. Quand t'entends un palme brûlant, ça va avec. J'fais du neuf avec de l'ancien, sans penser au passé. Je braille derrière les enseignes, choquant les hauts placés. Ah, assez, j'ai grandi, je connais le système. Les jeunes en manque d'assistants, j'me fous que t'apprêtes système. Posé, j'suis assis, j'pense à détourner une citerne. Le manque de finances fait que je suis citerne. Ma cité m'a incité à bouger par nécessité. J'ai pas hésité, impatient et surexcité. J'ai whisky, coca, j'évite les cocards. Une paire de zèze peut vite laisser des cocards. Je trace ma route, je ne veux pas qu'une tasse m'arrête. T'es marre, prépare la troupe pleine d'essence et pleine de barrettes. On n'a pas le même flow, on n'a pas le même mic. On n'a pas le même objectif au final. C'est pas la même zone, c'est pas les mêmes vibes. On n'a pas le même, pas le même, pas le même. On n'a pas le même flow, on n'a pas le même mic. On n'a pas le même objectif au final. C'est pas la même zone, c'est pas les mêmes vibes. On n'a pas le même, pas le même, pas le même. Peut-être que je n'ai pas la tête d'un mec à qui on fait confiance. On n'a pas le même objectif, faut que je mette le plein de sens. Ha ha ha. Et yo yo yo yo yo, ladies and gentlemen, vous êtes toujours connectés sur le 107.0, c'est toujours la fréquence qu'il vous faut. Déjà tout à l'heure, une moitié de jingle, et maintenant plus de jingle. Devient cette émission ? On prend des initiatives, écoute, on se dit, on tente, on expérimente, on essaye des trucs, et puis bah, des fois ça marche un peu moins, mais dans l'idée, on reste. On essaye de maintenir un cap dans cette émission. Pareil. Ah, bon, bah, ma foi, bah, on va rester, chers auditeurs, chères auditrices, on va rester encore connectés avec votre humble serviteur qui vient juste en attendant que mes collaborateurs s'en aillent vers d'autres horizons. Je vous rappelle qu'on vient juste de vous mettre dans vos petites oreilles chastes et fragiles un morceau de Napalm, deux morceaux de Napalm avec le titre Poignée de Punchline, suivi par On Napalm, même objectif. Et donc, Max, c'est donc des artistes qu'on retrouvera sur les planches du Hip Hop Fest. Et on peut rajouter aussi au programme des réjouissances qu'on a oublié de préciser. Le copain Do Fireman. Le copain Do Fireman. Et Hugo. Et le copain Hugo aussi qui seront présents. Donc, à la fois des artistes locaux, à la fois des artistes qui nous viennent d'ailleurs. En tout cas, tous animés par une seule ambition, casser des nuques et faire du bruit dans les oreilles chastes. Huit concerts en tout et pour tout, et en plus ça sera pour la modique, mais vraiment modique somme de 12 €. Donc vraiment c'est dérisoire. Dérisoire, franchement, on n'a pas à se plaindre, Comment ça économiser dès maintenant ? Ouais, t'as bien raison. Et en plus, un peu de côté pour la bière aussi. Ouais, mettez un peu de côté pour la bière et voilà, ça fait soutenir. Faut soutenir les initiatives locales. Et il y aura la broussette aussi. Et il y aura le copain de la broussette en plus. C'est important d'ailleurs, à qui on fait un gros big up, des gros bisous, qui doit peut-être, on espère, nous écouter, le copain de la broussette. On te fait des gros bisous en tout cas. On te fait des gros bisous. Merci pour tout. Merci pour la couverture. C'est parfait. Tiens, en parlant de couverture, sans transition aucune, Internet regorge de pépites. Oh mon et Dieu. Certains artistes aimeraient bien pouvoir tirer la couverture un peu plus et aimeraient pouvoir peut-être être mis plus en lumière sur ce vaste réseau qu'est le web. C'est ça. Et on a une découverte qui nous a été envoyée par des auditeurs, des auditrices, qui nous a été envoyée de Normandie, une petite pépite qui nous a été envoyée de Normandie, c'est bien de ça. Bretagne, plus précisément. De Bretagne. Alors un artiste qui s'appelle Silex, c'est ça ? Il sort de l'ombre. Alors qui sort de l'ombre ? Un mec artiste totalement anonyme, il nous a envoyé un mail pour nous faire écouter ces deux sons en mode est-ce que vous pensez que je peux le mettre en ligne ou est-ce qu'il y a encore du taf dessus ou pas ? Et bah, nous, clairement, on apprécie cette démarche empreinte de sincérité. Voilà, bah surtout ne vous envoyez ça à nous, parce que après, il a dû l'envoyer à plein de gens, je pense. Oui, bah oui, c'est ça, effectivement. Et du coup, vraiment, que ce mec fasse la démarche de nous envoyer ça. Donc, ce petit Silex, il a deux morceaux, ma foi, très sympathiques qu'il nous a envoyés. Son premier titre s'appelle Je suis pas content today, c'est ça ? Ouais. Voilà, il nous raconte un peu ses tourments, une histoire de perte de portable ou je ne sais quoi. Bon, moi, clairement, c'est le genre de petit fragile que. Ce qu'il fait, c'est clairement pas mon délire non plus, mais après, c'est assez propre. Il faut, ça a le mérite d'exister. On ne sait pas trop si le mec déconne ou s'il est sérieux, du coup, on se pose encore la question. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je crois que le mec, il a un Instagram, il est sur Internet. Je crois pas qu'il y ait. C'est vrai. Il faudrait faire peut-être une pétition en ligne pour l'inciter à mettre ses sons comme ça, ou peut-être qu'il fasse un album, parce que. Justement, il nous demandait si on pensait qu'il valait mieux mettre en ligne tout de suite ou retaffer sur le projet. Moi je pense qu'il peut tout balancer directement en ligne, c'est important pour les gens aient connaissance de ça, quoi. Donc vous faites votre avis, vous faites votre avis, c'est Silex en direct pour vous, une exclue directement, messieurs dames, je suis pas content today et comme si c'était du beurre. Vous êtes sur le 107.0, les fragiles. De l'année, je sors ma plus belle voix. oui. Je suis content car aujourd'hui je vais voir des copains. Et j'ai à fumer, et j'ai à fumer. Je prends mon PC, on va faire du son toute l'après-midi. Oui c'est rigolo, moi je suis trop content. Je suis content tout dé, je suis content tout dé. Je suis content tout dé, mais ça va pas durer, je le sais. Je suis content tout dé, je suis content tout dé. Je suis content tout aimer, ça va pas durer, je le sais. Je suis pas content parce que j'ai cassé mon portable. Et maintenant comment je vais faire pour contacter mes copains? Comment je vais faire pour faire du son avec mes copains sans mon portable? Sans mon portable. Je suis pas content tout aimer. Je suis pas content tout aimer. Je savais que ça allait pas durer, je le savais. Je suis pas content tout dé. Je suis pas content tout dé. Je suis pas content tout dé. Je savais que ça allait pas durer, je le savais. Ma vie est ruinée sans mon portable. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire moi? Ma vie est foutue, j'ai plus de copains. J'en allume un plus long que ma teub avant de rentrer dans le club. Défoncé statique tel un meuble, j'suis bien plus haut que tous les immeubles. Et mon oiseau c'est tellement long que si je le vais d'un ballonger, ça touche les nuages des avions. Y'en a des tafs à penser, y'a pas de soucis, mec, j'te lâche un étage. Ma soie spéciale, ouais, ça check ça. Un pétard parfum, si j'pars parfum, et voilà que j'insulte les ch'tapins. Oh, j'arriverai jamais à le fumer tout seul. Tu m'as pas en moins d'une heure. J'ai fumé le car, j'suis déjà déboussolé. Comme si c'était du beurre. Je suis déjà déboussolé, damn. Comme si c'était du beurre. Oh, j'arriverai jamais. Wow. Je suis silexisé. Wouch. Oh my gosh. C'était quite amazing. C'était juste incroyable. On vient de se faire silexiser en direct. On vient de se faire silexiser. Mais des sons comme ça. Mais moi, je réclame un showcase, un concert showcase de Silex au tequila à Plombières, le minimum. On le fait venir. On le fait venir. Je pense que Silex, si tu nous entends quelque part sur les ondes du rap français. Je pense que s'il se rend compte de son potentiel, ça peut valoir très très cher. Il peut être amené à demander très très cher. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, c'était un son particulièrement truculent. Merci à Silex. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Silex d'exister et de faire des sons comme ça. Ravissant. C'est ravissant. C'est pas ce qu'on écouterait toute la journée, mais ça sonne tellement showcase. Ça sonne tellement le dernier comme c'était du beurre. C'est vrai que c'est vraiment du son qu'on a envie d'écouter dans un bar à chicha. Enfin. Un truc tranquille, quoi. Fume saveur menthe réglisse, quoi. Chicha. Double cannelle. Ouais, mais un truc sympa. Miam. En tout cas, ça reste un plaisir, toujours un plaisir, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup à Silex, donc on vous a passé ça. N'hésitez pas, si vous tombez sur les ondes de Radio Game Ozo à cette heure tardive de la soirée, messieurs, dames, enfin tardive, on est encore là toute la nuit. Fumez tu mon petit Rex, attention à ce bout, hein. Attention à vous. Ah, c'était pas moi, c'était le... Ah d'accord, c'était les internets. C'était les internets. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos sons sur les réseaux sociaux, sur la Big Antenne, sur Facebook, Twitter, hashtag. On est partout, vous cliquez, bande d'escalope, vous vous abonnez et vous voyez ce que ça donne. Est-ce que je suis habilité, moi, alors à mettre de la musique à un groupe que j'ai vu en concert vendredi soir à La Courgette, un lieu autogéré dont je tairai l'adresse, mais à Épinal, bien sympathique, et un groupe non des plus sympathiques qui s'appelle Un Gros Bloc de Haine. Ça peut faire penser à des influences un peu la phase, le côté trip-hop peut-être un peu moins emmené. Ça fleure bon la production maison, ça reste un peu brinque-ballant, ça fleure bon l'amateurisme, les instrus sont très lourdes. Sont vachement cool, y a des bonnes idées quand même. Il y a des bonnes idées, ouais, c'est un collectif qui nous vient d'Amiens, d'un Schnorr, de Spicordi, un collectif qui nous vient d'Amiens. Et ils sont 5 dans le groupe, 2 DJ et 3 MC. Et donc c'est assez sympathique. Bah, je vais vous faire écouter, on va vous faire écouter sans plus attendre. Vous réagissez, vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Un gros bloc de haine avec le titre, on va vous mettre... vous pouvez les trouver sur les réseaux, sur Bandcamp. On va vous mettre le morceau Haine gratuite, ça c'est gratos. Hein. Et puis, moi une que j'avais bien aimé aussi, ça sera la chanson aussi suivie par la chanson Cassos. Les Cassos, vous allez voir, vous écoutez les paroles qui peuvent parler ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, vous êtes toujours sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. On vous laisse avec un gros bloc de haine pour quelques instants, messieurs, dames, restez connectés. Agressé, je te viole le cerveau sans hésiter. Mais insulter ma haine, c'est donner plaisir d'offrir, joie de décevoir. Me réveille, lève un œil et puis l'autre. J'ai déjà la rage, tout à fait disposé à commettre un outrage. La rime est sauvage, les lyrics sont trash. Écoute mon blason, mon boomer, c'est je vais des haches. Je représente pour les bandits, les cramés, les tueurs en série, les têtes brûlées qu'on leur tiquait pour partir en Syrie. Frère, c'est du sale que je te récite, du prohibé, de l'illicite. Si je te connais, c'est que j'ai vendu l'âme de ta mère au diable. Tu crois que tu me connais, mais je suis vraiment pas quelqu'un de fiable. J'encule les féministes. Je suis très raciste, j'ai pas de rage, je m'en garde pas dans la gage, j'ai pas envie de devenir. Je préfère tout cramer que de voir venir. À force de variations sur la violence, je force ton attention et ta patience pour toi aussi tu lâches ta haine. C'est pas pour te forcer pas, mais me dis pas que dans la rue ça sourit des masses. Je vois plutôt une masse de gens à la ramasse. Si telle la colère à partager, je suis preneuse, ça va monter. Aucune compassion envers ta malchance, encore pire si elle te suit depuis l'enfance. Je veux faire monter ta haine, la vraie, celle du fond, bien tenue, errance. Tu vois, c'est facile, sans effet de style. Prends un mic ou la barre à mi, chauffe tes poings et frappe fort. Le mal-être sera pas évacué, on s'en fout, garde-le pour le prochain couplet. C'est ça aussi l'esprit GBDH, conserve toujours un peu de haine, on sait jamais. Démarche est anonyme, donne-moi le bon Dieu sans confession. La violence est gratuite, impure, sans contrefaçon. J'irai bien faire péter une bombe sur les plages à Saint-Trope. J'suis pas raciste, je vous et tous 100% misanthrope. Passe-moi la tisse, qu'on se mette la race une bonne fois pour toutes. Là une coupe dans mes veines, un verre, un dernier pour la route. Dans mon centre d'alcool est mis largement avancé. GBDH au volant, attention danger. J'te dis bonjour, j'pense va te faire foutre. Tu me dis salut, lèche-moi le cul. Rien à battre de tes histoires, ta vie c'est pas mon territoire. T'es juste un interprète bas de gamme d'une existence sans flamme. Y'a pas de monde cruel, y'a qu'une réalité bestiale. Si tes rêves te donnent des ailes, ta mort serait quand même sale. Tu crois que t'es belle, mais t'es surtout anale. Tu te poses des questions existentielles et c'est plus que banal. Aucune de nos vies absurdes ne marquera les annales. Brûlons les livres d'histoire et ne réécrivons rien. Plaisir d'offrir, joie de décevoir. Plaisir d'offrir, joie de décevoir. Plaisir d'offrir, joie de décevoir. Plaisir d'offrir, joie de décevoir. Saint-Valentin se fête en famille. J'ai fait un gosse pour les allocs, c'était pas assez, alors j'ai récidivé. Mettre une envolée à leur majorité, c'était plus rentable. Je les ai amputés pour m'assurer un revenu stable. Je remercie le contribuable. La bière, la haine ont emporté. Je fais preuve ni de courage ni de ténacité. Je refuse de voir en face la vérité. Je préfère dire c'est la faute à la société. Je pourrais peut-être taffer ou encore essayer d'assumer. En vrai j'ai juste pas envie et pour un rien je me pervertis. Et pour un rien j'ai envie de gueuler. Et pour rien je pourrais te frapper. Pour moi la violence c'est la fête. Porteuse de syphilis et coupeuse de tête. Je distribue des kits mal-être aux individus qui osent tenir tête. À qui à moi pour me faire comprendre que la vie c'est pas tant. Il faut que je me rende, je t'emmerde connard, ta vie et tes histoires elles sont même pas drôles, si t'es un vrai fait tourner la gnôle. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. C'est balle, aux platines sonne 2000. La fête foraine c'est de la balle sous des roxas tous les exomiles. Les costauds kicks sur le punching ball. Je m'essaie à la mare au canard, je chope que dalle, putain c'est pas de bol. L'été est fini, on ramasse les pommes de terre bourrées d'engrais chimiques. Au boulot les prolétaires, au village on chill. On se sent heureux, entre cassos, tox, pédophiles et cutéreux. 10 ans plus tard je m'affranchis de ma condition sociale. Elle est loin, ma jeunesse, mon école municipale. Terminer les soirées d'ennui de galère. À zoner à l'arrêt de bus sur la grande place ou au cimetière. Je reviens de loin, putain quand j'y repense. Haute France, tout pays de mon enfance. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. enfance heureuse ou ennuyeuse, j'ai presque choisi de compliquer ma vie. C'est sans concession que je suis devenu con. Canapé calé face à la porte d'entrée, plus facile si jeté en rentrant bourré. Organisation utilitaire d'un appart de prolétaire, frappe à dingue, je préfère que ça chlin. Quand ça sent le cul poudré, ça me donne envie de gerber. Je suis pas dupe quand tu fais la pute. Ta politesse fulgurante, c'est ton ignorance. C'est pas moi qui refuse, c'est toi qui fuse pas. C'est pas moi qui t'agresse, c'est toi qui t'engraisse. Porteuse de syphilis et coupeuse de tête, buveuse de 8-6 et râleuse sans crête. Quand y a violence, pour moi, c'est la fête. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. Tellement de cimetières militaires à visiter, mais y'a même plus de fleurs pour te faire un bouquet. La big antenne. Hey yo yo yo yo yo, ladies and gentlemen, on vient juste de vous laisser dans les oreilles il y a quelques instants, donc avec un gros bloc de haine, des bonnes productions maison qui nous viennent tout droit des Hauts-de-France, Hauts-de-France et bas du front, c'est eux qui le précisent eux-mêmes, hein, je crois sur leur site, Hauts-de-France mais bas du front, rap de Hauts-de-France mais bas du front, de la haine sous anesthésion, je crois. On va aller quand même pour, enfin je pense. De la haine sous Valium, de la haine sous Valium, c'est important de le préciser, mais en tout cas voilà, bah, moi c'était une petite découverte comme ça que j'avais envie de partager, assez sympathique. C'est important de soutenir les petits artistes comme ça. Il est vrai. Il est vrai, hein, mon cher Drake. Et donc, non, c'était quelque chose, ma foi, qui était rafraîchissant à voir en concert et qu'on soutient de toute façon. Même les petites productions comme ça qui sentent la cave, qui sentent. Voilà, ça on sent, aime le renfermer. Ça sent le renfermer et puis et ça sent quand même la passion du truc, quoi. La passion du truc. Et c'est plus, effectivement. Bah, quelque chose que t'écoutes plus pour les paroles, pour l'univers, que il faut pour l'ambiance aussi, des prods, en vrai j'adore l'ambiance des prods, et puis les textes ce sont sympas, voilà, enfin c'est sûr que ça change de ce qu'on peut avoir d'habitude d'écouter, les trucs archi carrés, millimétrés, millimétriques, c'est autre chose, voilà, c'est dans une autre approche. Millimé couilles, ouais, voilà, c'est dans une autre approche, millimé ovaires, mais c'est important aussi d'écouter, de savoir aussi piocher dans d'autres choses, mon petit Drex, mon petit Maxime. On fait ça aussi par passion. Les gens font ça par passion aussi, par amour des beaux mots, par amour des beaux mots. Et tiens, ça c'est une belle transition. D'hier encore, tu me parlais d'un artiste qui t'a bouleversé, mon petit Drex, par sa sincérité. Tu m'as même dit, je crois, en parlant de cet artiste, que il faisait du bien au rap. C'est toi qui m'as fait découvrir, mais ouais, ouais. Zippo, voilà, un artiste qu'on suit depuis pas mal d'années déjà. C'est vrai que lui, ouais, ça enchante l'oreille du rap comme ça, ça fait du bien. Voilà, c'est Zippo, oh, ça fait bien, 6 ans, 7 ans qu'il fait des trucs. Notre ami Zippo, il avait commencé avec l'album L'Épouvantail. Quand il avait sorti les Maintenant j'ai une hache et autres, il était revenu avec un album Zippo contre les robots il y a 3 ans de ça, et il revient là aujourd'hui, il refait quelques actualités que vous pouvez voir sur internet. Notre ami Zippo qui s'est exilé à la campagne, et ça se sent dans son écriture, il avait des thématiques assez sympas, il avait une thématique sur un thème sur l'exode rural par exemple, un rare rappeur à parler de ça, franchement c'était intéressant aussi, sur le fait de couper du bois en forêt. C'était un peu du Billy Joe sans le côté distillerie, sans le côté trash, white trash, quoi. Ouais, il chante un peu le retour à la terre, un peu le retour aux sources, notre ami Zippo. Et il a des thématiques qui sont intéressantes et qu'il aborde avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. T'es très loin du rap de poseur, du rap de Yankee ou autre. Genre il fait Django. Genre Django par exemple, qui se force à se taper les doigts de pied dans un coin de table pour crier. Non, il fait ça plus posément, tu sens que le mec il fait ça avec le cœur, avec de la sincérité, il fait ça pour représenter pour les copains aussi, tout ça. Et ça vous fait rire. Non, mais c'est important aussi des mecs, qui rapportent une touche de fraîcheur, d'authenticité dans le game, tu vois. Donc je vais vous mettre deux morceaux de lui. Allez, je vais vous mettre deux morceaux d'un peu différents. Un morceau, quand je vous parlais de thématiques qu'il abordait, sympa. Un morceau où là, bon, c'est clairement masterisé. Là, c'est de la grosse prod sur le titre qu'on a mis Google, où il parle, voilà. Zippo, c'est sur l'album Zippo contre les robots, celui-là, où il parle voilà, des dérives d'une société, de nos sociétés technophiles, googlisées avec les réseaux sociaux et autres. Donc avec le titre Google que vous pouvez retrouver, il y a un clip qui est assez sympa, enfin là c'est de la grosse prod, et un titre un peu plus intimiste qu'il a sorti récemment sur le titre, c'est pas Zippo, c'est ses dernières sorties, il n'y a pas d'album encore, si je dis pas de bêtises, de notre ami Zippo, mais sur, avec le titre L'abeille cool. Voilà, vous allez voir, ouais. C'est quelque chose, c'est une autre atmosphère, c'est quelque chose de radicalement différent, mais ça reste le même artiste avec plein le même. Voilà, ouais, ça reste un artiste qu'on apprécie et qu'on aime bien mettre en lumière ici à l'émission. Donc on vous laisse tout de suite avec ça. Notre ami Zippo, Zippo le campagnard, lui aussi, qui vit reclus à la campagne et qui vous laisse réfléchir sur Google et sur le fait que l'abeille coule. Répétez-le rapidement, vous êtes sur Radio Gamozo. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. Réjouissons-nous, voilà le temps du Google. Miracle de l'omniscience humaine via Google. Image, ça y est, on a dépassé le Google Cap. Il n'est plus de chemin qui ne soit sur Google Maps. Tu seras le bienvenu sur la Google Earth si tu t'assures d'être à jour avec les Google Mœurs. Genre pour surfer sur le net avec ton Google Phone, il est conseillé d'utiliser Google Chrome. Télécharge Google Plus, tu seras moins Google seul. Bientôt des Google Puces dans ta Google Gueule. Réalité augmentée dans tes Google Glass. Maintenant t'es au courant de tout ce qui se Google passe. Dans ta Google cuisine, tu fais de la Google food. Ton Google frigo parle à ton Google four. Alors, elle est pas belle la Google vie. T'inquiète, elle te réserve encore quelques Googleries. Il faut que tu restes informé via Google News. Fais gaffe si t'es pas connecté, c'est la Google lose. Partage avec tes proches tes Google coup de cœur. T'as le choix, vas-y pioche dans la Google culture. Arrête de penser, Google pense, rejoins-nous. Envoie ton CV à Google France. T'auras un Google salaire et une Google car. Chez nous c'est Google sympa, on se Google marre. Vous allez voir, on va vous inonder de Google gadgets. Dans 40 ans tu vivras sur une Google planète. T'appuieras sur des boutons dans ta Google baignoire pour oublier que t'as des trous de Google mémoire. C'est fini, this is the Google end. Va mettre ton Google zizi dans tes Google friends. Bientôt tu réaliseras qu'il est Google trop tard. Mais tu seras déjà devenu un Google connard. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google. J'ai du mal à faire sortir de ma tête une abeille. Je sais pas, c'est plus pareil. Je sais pas, en fait, on dirait qu'on est seul. Le bon moment, directons les pleurs. Et bas les couilles, on fonce en direction des fleurs. Je me souviens que du ciel, quand une de mes ailes a lâché. J'étais venu faire du miel et je me retrouve à nager. Moi, pour sortir d'une bouteille, tout ce que je sais faire, c'est l'avaler. Ouais, paraît que la vie est belle, tu sais. J'essaye, mais bon. Dans ma gorge comme un goût d'insecticide. Vu que pour survivre par ici, tu peux pas être un mec timide. Moi je suis mon pyramide, sur le terrain depuis les kilabises. J'ai le cœur au fond d'une pyramide et un cerveau qui le tyrannise. Et merde, de toute façon y'a pas la notice. J'vis la noche, souvent fauché au fond de mes poches. Y'a juste marqué nique la police. Moi, je suis en brasse coulée dans le grand bassin. Je fais du peurin pendant que les frères sont cagoulés. Genre fantassin, et ouais. On le sait que nos vies à nous, elles vont pas durer longtemps. On s'est perdu tout seul dans le brouillard de la fumée qu'on vend. Et je me fais chier à me balader avec un lapin sous le chapeau. Mais je crois qu'il n'y a pas de prince ou de crapaud depuis que c'est chacun pour sa peau. Je comprends plus trop où j'en suis. J'ai pas dû mettre assez d'essence dans le Zippo. Mais je crois qu'il me reste 2-3 allumettes. Tant pis, tu sais quoi, je vais pas rajouter du travail aux urgentistes. Tant que j'ai du feu, faut bien que j'allume des bougies dans l'obscurantisme. Ce soir le ciel est silencieux, ça sent le sang et le ciment, mais bon ce monde est licencieux. Des nuits, des nuits, des nuits, des nuits à gratter. Et puis la pluie détruit les fruits, et puis j'en suis réduit à râper. L'horizon rétrécit tandis que résonne le tonnerre. Combien d'orages iront arroser les raisins de la colère avant que les hommes ne raisonnent et se résignent à les cueillir. Après l'oraison du dollar viendra l'érosion des douleurs. Mais rien ne se passe, on reste de glace, sauf la glace. La mer monte plus que le PIB, mais bon faut bien qu'on sauve la face. Moi je perds mon temps à espérer une insurrection tardive, quand la plupart sont contents d'avoir moins d'insectes sur le pare-brise. Du coup, on voudrait vivre toutes les vies parce qu'on meurt. Mais regarde ce qu'il faut pas faire pour sentir battre son cœur. On s'était dit que baisser sa garde ça pouvait être cool. Et puis on a noyé le poisson avant que l'abeille coule. Je me souviens que du ciel quand une de mes ailes a lâché. J'étais venu faire du miel et je me retrouve à nager. Pour sortir d'une bouteille, tout ce que je sais faire c'est l'avaler. Paraît que la vie est belle, ouais je sais j'essaye, ok. Je me souviendrai du ciel quand une de mes ailes a lâché. Je vais retourner faire du miel, c'est bon j'ai appris à nager. De trois sons du Wu-Tang, c'est mieux qu'une machine à laver. Peut-être que la vie est belle, de façon, c'est pas la question. Oh yeah, ladies and gentlemen, that's it, the Big Antenne. Vous êtes toujours connectés sur le 107.0, c'est toujours la fréquence qu'il vous faut. Qu'il vous faut et faudra toujours. Oui, qu'il vous faudra toujours, ça c'est certain, ne se lassera jamais de le répéter, bien évidemment. On vient de vous mettre dans vos petites oreilles chastes et fragiles que l'on aime à taquiner quelque peu, messieurs, dames, un peu de Zippo, donc un artiste qui nous vient du sud de Toulouse ou ses environs, ou mode de Barsang, en tout cas qui... Très bonne son. Très bonne son, authentique. Authentique, ça sent l'authenticité du garçon, ça, on sent vraiment la démarche, voilà, quelque chose de sincère, comme on aime. Comme on aime. Exactement, ça vient du cœur. Voilà, ça vient du cœur. Voilà, c'est quelque chose de généreux, c'est un rap généreux qui se tient, qu'on apprécie à déguster. Voilà. Tu sens que ça vient de la tripaille, quoi. Voilà, non, non, c'est vrai, il faut le reconnaître. Notre ami Zippo, en tout cas, et, ça fait voilà, quelques années qu'on le suit et qu'on continuera à suivre ce genre de... Malfra. Ce genre d'artiste de malfrat sonore, ce genre de malfrat sonore qu'on apprécie tout particulièrement retrouver sur les ondes, et c'est vrai que ça change de ce qui peut se faire actuellement. C'est vrai que fort heureusement pour vous, hein, chers auditeurs, on vous met des trucs, on vous met que du rap de qualité, mais croyez-nous qu'avant d'arriver à ça, avant de réussir à faire des sélections, on épluche, on passe des heures et des heures pour trouver dans l'actualité rap, pour essayer de trouver les des pépites. Choses qui valent la peine, parce les que croyez-moi... Pépites. Malheureusement, des pépites dans l'autre sens, c'est différent aussi. Hein. Mais des pépites, on exhume pas mal de merde quand même, hein, on est d'accord, mon cher Drex. De la merde. On exhume pas mal de merde. Malheureusement, il faut trier. Hein, avant. On y a pas. Oh bah non, non, non, on va pas faire. Et puis, malheureusement, de toute façon, cette merde-là, c'est aussi beaucoup celle qui marche le plus. Il hein. Y a qu'à voir, comme disent les jeunes, parce que c'est un argument commercial, c'est un argument, c'est un gage qualitatif. Apparemment aujourd'hui, il y a qu'à voir le nombre de vues que font certains artistes qui sont clairement et on ne citera pas non, on ne citera pas non, attention, non, non, mais qui sont un peu décérébrés quand même. Il faut voir le nombre de vues que certains artistes arrivent à collectionner et ça reste un mystère. Ça reste un mystère pour ceux qui aiment la bonne musique authentique et qu'on aime partager avec vous, chers auditeurs et auditrices. Mon petit Drex, qu'est-ce qu'on a prévu après? Qu'est-ce qu'on peut mettre aux gens qui restent connectés sur les réseaux encore et qui nous suivent sur le fil de l'actualité? Je pense qu'on peut balancer le dernier feat Booba Cabrel. Ah bah Booba Cabrel, oui c'est vrai que ça serait intéressant, ça serait intéressant. Non, ça s'est fait ça, déconne pas. Arrête. Non, non, pas du non, tout. Non, putain, tu m'as fait peur. Après, tout est tellement possible aujourd'hui que... Non, en vrai, tu peux... Tout est tellement pour juste possible. Changer quelques minutes de ce rap constant et infernal. Oui, oui, oui, oui. Ah. On va mettre un petit tunique Dry Heave. Grey Heave, ah, ce que tu m'as fait écouter là. Voilà, un chez rien sur ce groupe. C'est un, c'est un groupe québécois. C'est un groupe québécois, a priori. J'ai fait quelques recherches. Ah, c'est bien, Big V. Bah, oui, toujours là pour me rattraper. On reste consciencieux. On reste consciencieux. Quelle rigueur. Avec, voilà, le groupe s'appelle Tunic. Alors, ça officie plus dans un post-punk, cold wave, un peu chose comme ça, donc quelque chose qui change, mais qu'on apprécie particulièrement. C'est de la musique, c'est le genre de musique bonne pour endiabler les nuits électriques les plus diverses. ça, dans le même genre, vous avez passé récemment As a New Revolt. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Bon, c'est peut-être non, c'est précipité. Écoutez, on va vous passer et puis vous ferez un avis par vous-même, messieurs, dames. On n'est pas là pour vous influencer ou quoi que ce soit. On vous laisse donc avec Tunic sur le titre Dry Heave et on revient tout de suite après. Restez connectés, c'est la fréquence qu'il vous faut. We don't like the kind of guy that gets Gentlemen, vous êtes toujours connecté avec nous, vous êtes toujours sur le 107.0, car c'est la fréquence qu'il vous ne faut. Vous faut surtout pas, mais qu'il vous faut quand même au final. Un petit peu, un petit à la peu. Longue, c'est bien. On vient de vous laisser. On s'habitue. En fait, on vient la de vous répétition, laisser. C'est ça qui fait. Bah, c'est comme ça. C'est bah, important. C'est important. C'est ce que tu me parlais hier hors antenne. Bah, hors antenne. Du coup, on est tous les tout au long du mois hors antenne presque. En fait, presque. On est en antenne que 2 heures par mois. Et c'est peut-être le problème. Je pense qu'on a des choses à dire que les gens devraient savoir. Et ça serait bien qu'on ait 22 heures d'antenne par mois sur 2 heures de repos. 2 heures, c'est encore trop court, effectivement. C'est malheureusement trop court. On vient de vous laisser, messieurs, dames, avec du son hors antenne, quand même. En plus, sur les 2 heures, on nous prend quand même du temps avec la musique. Franchement, on s'emmerde pour rien. On vient vous laisser avec un morceau du groupe québécois, du groupe canadien en tout cas, de Tunic, sur le titre Dry Eve. Et juste après, on a été retourné en Russie. On a fait des transitions. On était déjà passé par Moscou avec Moscow Death Brigade. On est reparti dans un peu dans le même genre avec un groupe qui s'appelle Siberian Meat Grinder. Avec l'accent, ça claque quand même. Hein. Siberian Meat Grinder. Avec le titre No Way Back sur l'album Metal Beer Stomp, ça sonne bien aussi quand même. C'est pareil, c'est du c'est la scène, la nouvelle scène un peu hip-hop metal russe qui font des sons très très lourds, très très rentre dedans. Il y a une grosse influence hardcore aussi quand même, hein. Une grosse influence hardcore là-dedans qu'on retrouve sur des groupes plus américains, sur la scène metal hardcore des années 80, 80s, et qui se fait encore un peu plutôt punk, non? Ouais, hardcore punk, ouais, non. Bah ça peut être du Terror, ça peut être Converge, des trucs qui brillent des nuques, où tu rajoutes de la guitare électrique, de la batterie, de la basse, et puis c'est parti, quoi. Mais tu peux briser des nuques un peu comme bon te semble, je dirais, un peu comme bon sur te semble, sur ce que tu veux. Et un qu'on affectionne et qu'on a l'occasion de passer très souvent. Non, celui-là c'est encore au-dessus, mais c'est notre ami SwiftGad qui vient de sortir son album musique classique, SwiftGad et Altarba. Altarba qu'on va retrouver quant à lui sur les planches de la Souris Verte aussi. À partir, c'est au mois d'avril, ou non, au mois de mai, si je dis pas de bêtises, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on attend peut-être, ladies and gentlemen, une rencontre avec Altarba. Ça devrait se faire pour vous, en principe. Si les dieux du rap nous écoutent, si ça se passe bien, Inch'Allah, qu'on essaiera d'aller poser quelques questions à notre beatmaker préféré, un beatmaker hyperactif. Je vais essayer de lui soutirer des informations. Ouais, ça peut être pas mal pour toi, Drex, pour ta technicité en tant que beatmaker aussi. Altarba, qu'on a retrouvé aux côtés de tout le rap français. Là, il vient avec un album du morceau qu'on va vous présenter. Ah, c'est le prix de Rosette au poivre. Ah, bah, écoutez, à la Big Antenne, on aime les bons produits, on sait valoriser le bon produit. C'est pas une tare d'aimer les bons produits. C'est pas une tare. Donc, on va vous laisser juste avec Altarba et donc... Swift God sur son album Musique Classique avec le titre L'Oiseau Bleu. Et L'Oiseau Bleu, donc c'est un titre qui vient de sortir sur l'album donc de Swift God, qui nous vient de... Lala. Ouais, ça fait une semaine, Lala. Quoi. Lala. Une semaine et demie. Lala. Lala, ouais, à peu près. Okay. À peu près, mon cher Drex. Cool. Ce genre de son, ce genre d'actu hip-hop bouillante, toi-même tu connais. Bouillax, Krawax pour les Bouillax. Avec L'Oiseau Bleu et Altarba sur la prod, suivi ensuite par un autre titre de l'album, donc de Musique Classique, de Les Chants de Maldoror. On retrouve sur ce morceau, on retrouve Senza et Virus en plus, avec donc Swift God et Altarba qui fait la prod. Donc là, gros morceau, la rencontre improbable mais tellement lourde. Voilà, c'est quand même quatre grosses pointures du rap français indé là, qui tiennent le haut du pavé, qui se rencontrent sur un titre. Donc pour Monsieur Altarba, on en reparle tout de suite après de Altarba, messieurs dames. On va reparler un peu de cette salle. Artiste qu'on affectionne particulièrement, et là donc beatmaker notre ami Altarba, et aux côtés donc de notre ami Swift God sur donc le titre L'Oiseau Bleu et les Chants de Maldoror. C'est sur le titre l'album Musique Classique, et donc vous êtes en direct sur le 107.0. On reste connecté, stay again. La big antenne. C'est Altarba à la pro. Ce soir la rue est vide, la lune est rousse, ma plume est douce, j'ai fumé, j'tousse un peu partout, la thune défile, moi j'aimerais les tuer tous. L'oiseau bleu, le dragon rouge, j'suis dans le métro, le wagon bouge, autour les regards sont louches, mais pourvu que la boisson coule, la moisson sera bonne, car j'ai prévu de me découper les ailes. Je ramasse mon pactole et j'rentre chez moi pour dessouler de mes teilles. Marre de cet alcool, une chose est sûre, c'est que la coupe elle est pleine. L'oiseau bleu me porte sur son dos, j'ai découvert l'Éden. Dans mon sang y'a de la moisissure, dans ma tête y'a une moissonneuse, la garniture est quasi pure. Je tombe de la paroi rocheuse. Ce soir je veux voir l'oiseau bleu, celui qui me fera mal aux yeux. Au quotidien j'ai la mixture injectée dans la moelle osseuse. C'est pas l'aigle noir mais c'est l'oiseau bleu. Faut que j'arrête de le voir ou je ferai pas de vieux os. Une barrette de hache avec la bonne bœuf. Je me la pète ce soir, je vais pas boire de l'eau. Je vais me décevoir, l'estomac sent creux. Parce que j'en ai fait un max de fautes. Il faudrait que je fasse ce que la daronne veut. Mais je suis bien trop loin pour les gardes-côtes. Il va sortir le petit oiseau. Et je vais finir en petits morceaux. Comme sur une toile de Picasso. À cause de lui je prends des chutes, des stupes qui font des gens déçus. Des plumes et des ailes, j'en ai plus, je crois que je suis un ange déchu. Il va sortir le petit oiseau, et je vais finir en petits morceaux. Comme sur une toile de Picasso, à cause de lui, je prends des chutes, des stupes qui font des gens déçus. Des plumes et des ailes, j'en ai plus, je crois que je suis un ange déchu. Fardeau sur les rotules, j'tire quand le dos est au mur. Hécatombe dans mes globules, vivons de drogue et d'eau pure. La conso au fond de mes chaussures, moi j'ai des problèmes au cul. Viens voir mon oiseau nocturne, il est de mauvaise augure. Je perds des plumes, je fais l'autruche, je plane. Je paye des putes pour que je m'envoie en l'air. Faut plus de grammes quand t'es en chien, y'a plus de potes, y'en a plein quand t'allumes le sbar. Avant j'étais graveur de mode, maintenant j'ai une allure de schlag. L'oiseau bleu sort de sa cage et m'enferme dans ma boîte crânienne. Une voix d'alien me casse la tête, mais casse la tienne. C'est moi le kraken, je bois son venin, je crache ma peine. Je trace mon chemin, je doite la hyène. Je ne raconte rien, je squatte la scène. Je tends le bras, je rate la veine. J'ai un coup dans l'aile, mais je m'envolerai dans le prochain courant d'air. Je ne sens plus mon bout, faut que je choisisse entre l'enfer ou l'enfer. Tu dis que la vie est douce contre soi-même, je crois qu'on est tous en guerre. J'ai pétri de la farine, mais c'était pas celle de la boulangère. Il va sortir le petit oiseau. Et je vais finir en petits morceaux. Comme sur une toile de Picasso. À cause de lui, je prends des chutes, des stupes qui font des gens déçus. Des plumes et des ailes. J'en ai plus, je crois que je suis un ange déchu. Il va sortir le petit oiseau. Et je vais finir en petits morceaux. Comme sur une toile de Picasso. À cause de lui, je prends des chutes, des stupes qui font des gens déçus. Des plumes et des ailes, j'en ai plus, je crois que je suis un ange déchu. Cuit, parce qu'on est cuit. le créateur de l'univers. Je lui ai toujours conservé mon amour. Mais si, après la mort, on ne pouvait plus exister, pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais? Tout bonnement, parce que la mort n'existe pas. Autrement, on ne serait pas là à répandre nos cendres, à répandre nos cadavres, choper des crèves de malades. Enfin bref, trêve de palabres. J'écoute les chants de mal d'aurore, c'est comme un film d'horreur. À l'intérieur, le diable au corps, dehors y'a Big Brother. J'ai bu un peu trop d'alcool fort, j'ai sort le Six Hour. Je préfère voir des fachos morts plutôt que des Twin Towers. Tu pourras sucer ton hostie, t'auras l'éternité. Tu ne tueras point, tu les as déjà tous exterminés. T'auras des peines, t'auras l'enfer ou bien t'auras l'Éden. Colère et haine sont dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Ce soir, je vais me chauffer la tête avec une liqueur chimique. J'applique le mal au pied de la lettre avec une rigueur biblique. Si les brebis sont égarées, les bergers les découpent. Si mes sevilles sont très carré, les RG les écoutent. Je laisse ma plume à Lucifer, c'est pour mes zombies pâles. On est au centre de l'univers, on est son nombril sale. Je prends du shit et de la verdure et puis je compile ça. Parce que le vice et la vertu souvent se combinent mal. Et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste comme une tombe. Je laisse mes démons dormir dans moi. Chaque fois que je me réveille, j'entends des mots qui m'ont dit vas-y essaye. J'ai oublié de sourire, je fais tout pour tout laisser pourrir. J'ai jamais dessiné mes rêves, j'ai trop peur de me découvrir. Je suis l'enfant affreux, pas un enfant affreux. Né dans l'innocence, je suis devenu mauvais. La haine de l'autre me donne la haine et une aisance, laissant l'essence au frais. Après l'argent et les armes, c'est la mort qu'on met dans le coffret. Une ombre me suit partout, mais c'est pas la mienne, casse la tienne. Je cours après le soleil pour brûler mes ailes par moi-même. Tout passe de magnifique à réellement dégueulasse. Naturellement, tout reprend ses droits de la loi, fait de l'astre. Un animal sain est affamé. Prendre une vie pour remplir la mienne, c'est dans mes gènes assoiffés. Les excuses sont bonnes à prendre pour trouver la violence. Cherchant à savoir qui on est, à chaque fois on recommence. Et je tremblais comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entrouvrirent et je poussai un cri. Aujourd'hui j'ai défait mon pieu, j'ai fêté mon mieux. De ceux qui après le coup de grâce n'ont pas rencontré Dieu, qui les regarde en face, les cieux dans les cieux. Ah je connais pas les lieux, je me tape tous les feux. Me purifie comme je peux, me souviens de la première fois que j'aurais pu me dépuceler, elles étaient deux. Première fois que je suis dead, j'étais heureux d'avoir trouvé ma voie. Mais j'hurle quand on me dit jure-le, d'entre elles je m'entraide. Certains tuent des taureaux, certains tuent des moutons, certains tuent des gens, on ne fait peu de poids devant des traditions. Rituel des on ne peut se défaire, moi j'ai ma mission, je m'y consacrifie. Si c'est sans résultat, j'aurai au moins des séquelles. Avant j'écrivais pour laisser une trace, maintenant j'écris pour que les marques s'effacent. Après nous, le dégel. Un cri si déchirant que je l'entendis. Hey yo yo yo yo yo yo yo ladies and gentlemen, hey, yo yo yo, vous êtes toujours connectés avec nous sur le 107.0, c'est toujours la fréquence qu'il vous faut. Et on vient de vous laisser avec le chant enivrant, le chant du Mal d'Aurore, avec un magnifique titre où on retrouvait donc les compères Swiftgad, Virus et Senza, grosse collaboration sur une prod d'Altarba. Juste avant, c'était le titre L'Oiseau Bleu sur une prod d'Altarba avec Swiftgad aussi qui est dessus. C'est tiré de l'album Musique Classique qui vient de paraître très récemment de l'ami Swiftgad avec toutes les prods de Altarba, ce dernier qu'on retrouvera sur les planches d'Épinal de la Souris Verte, comme on disait. Avec donc en tant que beatmaker qui vient présenter avec Saïdine, un projet, un album qui vient défendre, un album de prod, de composition, de beat, bien à lui dans son trip, Altarba, toujours influencé dans son univers. C'est très très lourd, toujours bien influencé dans son univers. univers empreint de jeux vidéo, empreint de culture films d'horreur, culture geek, de cinéma asiatique, voilà, qu'il est connu, avec donc dans toute la scène rap, il a fait des productions avec avec Virus, avec Swiftgad, avec la Droux Brigade, avec oh, il a fait tellement de featuring, tellement avec il a fait aussi bien sûr avec Al Capote, et donc il vient présenter à la Souris Verte un album juste avec avec un autre beatmaker plus influence électro, avec le titre avec j'ai du mal ce soir, c'est compliqué, ouais. Hein, c'est compliqué mon petit Drake ce soir, tu peux m'aider aussi. Sembei, voilà, je vais y arriver. Sembei, que l'on retrouvera à la Souris Verte, donc messieurs dames, on enchaîne, on va vous mettre des petites productions maison, si ça vous dérange pas trop. Drex, grosses nouveautés, des grosses nouveautés qui nous sortent du four, qui vous dépeint notre art de vivre. Voilà, Déter, instinct des plus grégaires parfois, instinct des plus vénères. Donc c'est deux trois morceaux qu'on a exhumé pas vraiment, puisque c'est des dernières nouveautés qui viennent des studios. On vous fait écouter ça, un morceau où on retrouve Monsieur Drex, votre humble serviteur Big V, et notre ami Miags, à qui on fait des grosses dédicaces, sur le titre Art de Vivre. Et après t'as deux fournées à toi aussi, t'envoies ça pour les copains, c'est généreux, là ça sort du four, voilà, c'est la pour sauce. Les copains, Botrytis, c'est ça. Botrytis. Tu sais, c'est la moisissure que tu peux trouver sur certaines plantes. Ah, d'accord. Voilà. C'est intéressant. Et la terminée V2, terminée, c'est la suite. C'est terminé, ouais. Terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien à dire, quoi. Voilà, il n'y a plus rien à dire, tout simplement. Prod faite. Comme toujours, dans mon cocon. Voilà, tout simplement. Bah écoute, t'envoies ça aux auditeurs et c'est altruiste, c'est généreux de ta part. Hein. Quelles des nouvelles moutures qui sont là pour satisfaire les oreilles les plus exigeantes. On vous envoie ça dans les oreilles. C'est parti, Art de Vivre, avec la chaîne de copain Drex qui envoie derrière. Brrra. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus grégaire. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus vénères. Yo, mon art de vivre, ça commence par allumer cette pute. J'suis ivre en écrivant ça chez Big V. On a notre art de vivre, pas taffé, se prendre pour des artistes. Mais qu'on part en tête dessus. Pour survivre, on se détruit. Même pilon qu'on pétrit. Les neurones en mode Tetris. Collation si t'es triste ou déçu. Sachant que c'est pas une bonne musique si on n'est pas dessus. Je précise, je veux être sûr que c'est bien reçu. Envoyé, scène vue. Arrêtez de me cesser, je ne pratique que la branlée. Je peux pas te faire mes fumes, mon pétard c'est ma santé. C'est un des moyens de la vie de me récompenser. Et puis de pouvoir compenser, car la vie c'est pas son pensée. Trop bizarre, Scooby Jack, c'est mes Scooby Snacks. T'entends mes maudits tracks, c'est la hooligan, hooligan. C'est du son bête et violent comme un hooligan. Une soirée avec nous, les trois jours suivants sous Dolly Parton. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus grégaire. Un art de vivre, déterre. Instinct des plus vénères. Des modérins au rendez-vous et un dégoût immodéré pour les guignols au garde à vous qui sortent fiers de défiler pendant qu'on brasse dans nos égouts et loin nos villes jusqu'à Tanguy. Oh! Et puis comme lui qui nous anime, donc on s'enfuit dans toutes nos rimes. Sur le papier, nous on s'arrime. On est wanted, qui veut la prime. Le feu sacré réatisé, mes yeux bleus dépréatisés. On fait nos ses habits clos, mais on sera pas médiatisé. Le regard fumé ou mytho, j'tourne au putain de conico. Tu peux être traumatisé, ton équipe de rigolo. À moi tout se bien lancé, je me comporte en putain bon. Dans la langue des poètes, je viens choquer par rigot. Dans mon style, y'a pas rival, école trivial par les faux. Dès le matin, j'ai un malaise, et imprimé par défaut. Dans notre arrêt d'urgence, et c'est bien ce qu'il nous faut. L'art de vivre, l'art d'être vivant fait partie. Pardon, trop souvent je dérive, le rap fait partie de ma vie. J'aime sans équilibre, je t'aime du quel côté à ton avis. Je gueule, c'est légitime, j'ai la merde en vis-à-vis. Vas-y, vis ma vie, slim, saupoudré de fer dur. Pour oublier mes soucis, je suis qu'à soudouer nature. C'est toujours les mêmes qui triment, c'est pas très réglo. Et bello, la vie vie c'est dur, vous me gardez le dans le rétro. Trouver une femme à sa pointure, qui te nique pas dans le dos. Garder son calme face aux ordures, qui joue les fauchetons. J'kiffe quand les portes tombent, gris sont mes heures sombres. Comme d'ici, j'irai cracher sur leur tombe. Contre des convois, on pisse sous les cons des convois. Trop de faux que pour gars, qu'on tapilise tous les coups bas. Trop de faux drais, leur couper un bras. Des faux airs tellement ingrats. Un art de vivre, déter. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déter. Instinct des plus terre-terre. Un art de vivre, déter. Instinct des plus grégaires. Un art de vivre, déter. Instinct des plus vénères. De la planète, je finirai par me foutre une balle endormie de 10 car je suis pas net. J'ai souvent envie de m'exploser la tête contre un clou. Ma voix se démultiplie, frappe les parois de mon crâne de fou. Pitié, faites que ça s'arrête, faites les taire, faites les disparaître. Jésus de Nazareth, non, non, c'est pas Baphomet qui règne sur ce monde, pauvre con. Même Dieu qui vope derrière un nuage, il bouffe du popcorn. Je fais du hip-hop, mi-con, mi-conscient. Je suis dans l'ennui constant. Je me demande c'est quand qu'on se tire et où on va. Si c'est pour revenir ici, autant qu'on se porte, qu'on se comporte bien. Presque chaque personne que je croise est un bon pote potentiel avec qui fumer la compote. On nous dit frotte et la plupart frotte. Putain, mes bandes de fiottes, hurlez un coup, réveillez-vous. Voyez pas que ça pue la crotte. On leur reproche de nous niquer, mais on se laisse chier dans les bottes. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Le travail, c'est ma kryptonite. Je préfère chanter puis me masturber sous gin tonic. Je crache la fumée, elle écrit Nick Police. L'herbe me fait tout oublier, pire que Doris. On continue d'avancer à travers ces immondices. Vas-y mon fils, fonce, accroche-toi à ses ronces. Fonce, fonce, jamais les sourcils, ferme ta gueule jusqu'à ce que tu pionces. Serre le fion, tu le relâcheras quand tu chiras tes si longues tripes. Mes 40 ans, c'est pas pour moi, de toute façon je crèverai avant. Je ne suis là que pour réaliser mes rêves et apprendre. Teaser des tailles et m'absenter, faire de la merde avec ma santé. Me sentir coupable, tenter de me repenter. Dans mes rêves, je suis hanté par ce passé d'enfer. La dissociation m'emmène dans le royaume des centaires. L'endroit devrait t'en plaire, c'est calme, c'est le grand air. Médite, c'est dur au début, mais en fait, c'est élémentaire. Ce sera trop tard pour tes larmes, ce sera trop tard, tu seras perdant. Trop tard pour sauver ton âme, trop tard pour un pardon. Trop tard, c'est tard d'avoir tout ce sang sur tes mains. Nous dominer, nous salopards dans notre cage de macaque. C'est pas pour rien, c'est que je suis mal si j'adore me mettre bien. J'enfonce ma rage au fond d'un pochon pour pas passer à l'attaque. Éternel angoissé, anxiété même près des miens. J'ai tendance à penser que notre existence est une arnaque. J'aime pas détester, je préfère aimer, mais je ne peux pas t'aimer. Je voudrais être indifférent, juste un coup de patte et maîtriser la situation là. J'agis comme un triso, je mets le doigt dans la prise. Oh merde, encore une crise horrible d'iso. J'suis même plus triste, j'm'extirpe de la matrice. Je trisse en dehors du tuyau. J'suis pessimiste parce que j'ai vu que des choses que j'pensais simples n'étaient pas possibles. Alors j'crois plus en trio. Faites que des consanguins humains. J'fais des destins, j'crois qu'il faut que j'en fume un. Casse pas les couilles, va taper, achète ton cumin. Ou va te camer, fuck, pour nous tu n'es que du purin. Va niquer ta race de merde, humain. J'l'ai, et vivement qu'il y en ait plus un. Nous fais pas chier, bosse sous crève de froid sous un pont. On s'en branle, nous sommes bien, nous sommes ta pute. franchise et je prends peu soin de ma carrosserie. Mes fenêtres font des carreaux gris, dépend par qui le tarot se lit. V'là l'équilibre, même la rose pique. Mais qui est le putain de fils de pute qui a rendu l'art horrible au style omni, sans âme, au paroxysme de la beaufrie. Seigneur, je tente leur chance comme si cette merde c'était la loterie. Tu seras jamais clair, même avec un putain de chromie. Tu seras jamais chaud, arrête le rap, tu me refroidis. J'ai pas envie de sourire, pas envie de parler. Si je pouvais mourir dans mon sommeil, ce serait parfait. Pas besoin de tout me dire pour que je comprenne que t'es taré, c'est mal barré. On sera sûrement jusqu'au dernier soupir. J'écris la plie note, suis-je plus rappeur sans ma batterie. J'attends la pluie, la bonne excuse pour pas sortir. Je compte pas sur la France cette pute, mais sur les orties. J'encule la République, je suis toujours le même sans la patrie. Vous n'êtes que des consanguins humains. Je vous déteste, hein, je crois qu'il faut que j'en fume un. Casse pas les couilles, va taper, achète ton cumin. On va te gammer, fuck, pour nous tu n'es que du purin. Va niquer ta race de merde, humain. J'ai vivement qu'il y en ait plus un. Je vais vous laisser nous terminer, j'y crois. Je vais nous laisser vous terminer, j'y crois. Nick. La big antenne, la big antenne. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. Oh yeah yeah yeah yeah yeah, quelle est big cette antenne. Quelle est big, on vient de vous choquer avec des sons maison messieurs dames. Juste pour vos petites oreilles, juste pour votre plaisir, vos humbles serviteurs qui viennent de vous souiller avec des petites nouvelles fournées qu'on est en train de travailler, de pétrir gentiment des petits pains qu'on est en train de pétrir dans nos studios. Ça sort du four, c'est tout chaud, c'est tout chaud encore. Vous pouvez retrouver les petits pains là, vous pouvez cliquer sur MC Connection, le fond du crew, pour aller voir les actus. On est sur YouTube, on est sur SoundCloud aussi. Drex FDC, vous suivez l'actu toujours bouillante. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous envoyer ça dans vos petites oreilles. Chaste et fragile, ça fait du bien. Ça fait du bien. N'est-ce pas, mon petit Max? Ça fait du bien. Hein, c'est des produits régionaux, finalement. On est en train de s'empiffrer de terrine, là, et puis avec de bons produits, en tout cas. Ouais. Et ben voilà, on sait aussi qualifier le produit quand il est régional, quand il sort tout droit du four, comme ça. C'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Dans un autre registre un peu plus clinquant, mais un son qui nous a un peu fait marrer là, ces derniers temps. Un mec qui s'appelle, c'est un son de connard quand même, un peu, faut le dire. Mais c'est marrant quand même. Ce mec s'appelle Laylo. Ça a l'air un peu de cartonner quand même sur les réseaux. Le mec, il met des moyens dans les clips, trucs de baiser. Je connais pas trop. Ouais, on m'a montré 2-3 trucs. Bon, il faut aimer, c'est très vocodé. Beaucoup d'autotune. Sauf celle-là, c'est dans un autre genre. Là, on prend comme ça pour le dire aux auditeurs, comme ça vous avez déjà une oreille attentive. Il rappe en prenant le point de vue de 3 personnages, 4 personnages différents dans ce titre. La vie, c'est le titre, c'est de bâtard. C'est de Laylo sur l'album Trinity. C'est sorti cette année, c'est sorti en 2019, pardon. Et on vous fait écouter ça et vous verrez par vous-même, c'est novateur, c'est rafraîchissant, c'est marrant, il y a du flow quand même et c'est assez sympa. On vous met ça dans les oreilles, Laylo, de bâtard, c'est parti. Julie, j'enfile un short, je mets le même qu'hier, celui de la Juventus en 2014. Et puis ça toc, c'est ma femme, elle fait grave chier, elle fait que me répéter que je suis un bâtard. Elle a pas tort, mais j'espère bien qu'elle a pas cramé les messages que la voisine envoie pas à terre. Et le pire mec, c'est que la gamine a tout vu lundi dernier, y'avait la meuf, j'étais en calepard. Quel bordel, je lui ai dit de fermer sa gueule, que ça reste entre nous, que je lui achèterai un iPhone. Mais j'ai pas de taf, c'est la merde, donc j'allume la play, je roule un double feu et je fume une grosse taf. T'es sérieux toi? T'es pas foutu de faire un euro avec ta tête? Y'a pas d'oseille, t'es sur la play là. Pour te faire des bêtes, t'es le premier, ça c'est net. Mais ça fait 18 mois que tu pointes aux acédiques. Ok, c'est assez dur comme ça. J'taffe 6 jours sur 7 pour toute la mif. Mon boss, c'est un fils de pute. Et tu me baisses même plus. T'as perdu tes couilles en plus. De rien branler, t'as un compte premium sur RedTube. Est-ce que t'as remarqué? Que ça fait 6 mois qu'on paye pas le loyer. Que l'huissier laisse des lettres sur le palier. Et t'as une fille, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait à l'heure actuelle avec qui où elle traîne, putain? J'ai reçu ses bulletins, elle est en train de déraper. Elle fait traîner dans la tête, attends d'ailleurs, je vais l'appeler, ouais. ça sonne, mais je vais sûrement pas répondre. Je fais une cop, je suis devant le bac, la flemme d'aller à l'école. Y'a ce mec, il est trop beau, mais mon père dit que c'est trop tôt. RAF, je l'ai vu tromper ma mère, donc je fais ce que je veux, bref. J'ai 13 piges, et il me dit qu'il me trouve joli. Il a 19 ans, il va me voir avec une 206. Il me dit des mots gentils, vent. Quand c'est qu'on pèse, ne prends pas la tête, ou bien, ça reste entre nous. Et il est tellement gentil, tellement sensible, il me fait me sentir comme quelqu'un de spécial. Mais bon, je veux pas qu'on dise de moi que je suis une salope, ouais. Ouais, ouais, mais bon, nique la vie des autres, donc je monte dans sa caisse, yeah. Il me touche la cuisse, du coup je stresse, je veux pas lui dire. Je regarde à gauche, je regarde à droite, personne nous a vu à part ce mec en costume tout noir. J'arrive à l'adresse convenue, je vois une gamine qui me regarde bizarre et je vois un gars qui lui fait des léchouilles. Je fais comme si j'avais pas vu et je détourne le visage, continue tout droit, cherche l'appart numéro 112. J'arrive devant la porte, mais avant de toquer, je mets mon doigt sur l'œil de bœuf. Il devinera s'il y son courrier. Moi je fais mon taf et je me barre avant que le ciel ne pleuve. Il me dit c'est qui là? Je lui dis c'est maître Mick, je suis là pour effectuer une saisie là. Une saisie là? Je me dis qu'il saisit au moins. Tenez signé, c'est la lettre du tribunal. Il me dit d'attendre qu'il aura l'argent. Je lui dis que les saletés comme lui s'enlèvent qu'avec du détergent. Je fais mon inventaire, je regarde tout ce qu'il a de valeur. Bon pour les enchères et pour les primes sur mon gros salaire. Wow. Dis à mes gars d'embarquer les crampes là en premier. N'oubliez pas les vêtements de marque et la PS4. Je me dis que cette famille est effarante. Sur les murs, y'a des traces apparentes. Vivement que je me casse, c'est dégueulasse. Et y'a la daronne adossée sur un meuble. Elle a les larmes aux yeux, je lui dis décalé parce que je dois l'embarquer. Je laisserai que le parc, tout est revendable. Je suis pas désolé, moi je fais mon taf. Quand je lui ai dit que j'allais y aller, qu'il était tard, il m'a répondu putain, quelle vie de bâtard. Hey yo yo yo yo yo yo yo, bah ouais, quelle vie de bâtard, comme il l'a justement répété et souligné notre ami Laylo sur ce titre de bâtard. Un morceau, ma foi, rafraîchissant où il prend des libertés, il ose faire des trucs, il ose voilà, jouer, c'est humoristique, c'est assez sympa, ouais. C'est basique par moments, mais ça marche bien, ça marche bien. Bah, et c'est ce qu'on aime, bien vous apporter un peu de changement aussi. À l'émission, voilà, le rap c'est pas forcément toujours ce qu'on attend. Il est et il y a plusieurs sortes de rap, comme on ne cesse de le répéter à l'émission. Il y a plusieurs sortes de rap, il n'y a pas une seule paroisse, une seule église, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on vous passe du son, qu'on sélectionne, qu'on va chercher à droite à gauche. Et en parlant de ça, on fait un petit voyage, vu qu'il pleut un peu, on va vous réchauffer un peu avec un groupe qu'on vient chercher outre-Atlantique, qu'on va chercher en Amérique centrale, même qu'on va chercher au Mexique, plutôt au Mexique, pas en Amérique centrale, qu'on va chercher là où il fait chaud, en tout cas, ça sent la tequila, ça sent le ghetto, ça s'appelle Mexican Fusca, avec un titre, ça chanté par une gonzesse qui porte ses corones, entre guillemets, avec un morceau Pancho Villa, El Santoro del Norte, Pancho okay. Villa qui était donc un personnage historique de la lutte armée indépendantiste mexicaine, un peu une légende locale, El Santoro del Norte. Donc on voulait être avec le titre là, ils nous viennent de Monterrey si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle Mexican Fusca et ça réchauffe pour vos petites oreilles. Andale, güey, vous êtes toujours sur la vigilante. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel, nada me importa perder la vida. Y es cosa de hombres morir por él. ¡Que viva Pancho Villa, el centauro del norte! ¡El hijo de Durango, el padre de los pobres! ¡Que viva Pancho Villa y la revolución! ¡Que vivan los dorados de toda mi nación! ¡Que viva Pancho Villa, el centauro del norte! ¡Toro de Barango, el padre de los pobres! ¡Que viva Pancho Villa y la revolución! ¡Que muera el mal gobierno y la corrupción! El centauro del norte, nacido en Durango, hijo de la sierra, criado en el rancho. Era gacho, trabajo pesado, trabajo mal pagado, el cacique lo explotaba. Francisco Villa, el centauro del norte. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución. Que vivan los dorados de toda mi nación. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, toro de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución. Que muera el mal gobierno y la corrupción. Todos en la vida tenemos un destino. El de mi general era seguir el camino de la revolución, mi nación mexicana. Luchando por la raza, luchando por la causa. Llegó victorioso a la tierra de Juárez. Acabó la dictadura en todos los lugares. A punto de ser asesinado por las armas, salió a su rescate el padre de la democracia. Encerrado en la cárcel, prisión militar, astuto Pancho Villa se pudo escapar. Reclutando soldados para poder luchar con el traicionero que lo iba a fusilar. Ganando batallas, Torreón y Zacatecas, peleando como azteca y soldado chichimeca. Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución. Que vivan los dorados de toda mi nación. Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, toro de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución. Que muera el mal gobierno y la corrupción. El campamento ya se durmió. Adiós, les dice ya este villista. Ya nos veremos otra ocasión. ¡Adiós, villistas! Y allá en Celaya murieron todos con gran valor. ¡Adiós, mi linda ciudad Chihuahua! Parral y Juárez, Lerdo y Torreón. ¡Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durango, el padre de los pobres! ¡Que viva Pancho Villa y la revolución! ¡Que viva los dorados! Que viva Pancho Villa, el centauro del norte, toro de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pancho Villa y la revolución. Que muera el mal gobierno y la corrupción. La bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine. La big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne, la big antenne. La big antenne. La big antenne, toujours plus. Toujours plus de big antenne. Et oui, ladies and gentlemen, on vient de vous laisser avec un morceau fort sympathique, fort ensoleillant, qui met bien la rage au ventre, avec donc de Mexican Fusca, très sympathique, ma foi, Pancho Villa. Pancho Villa, donc, comme on le rappelle, donc, était un personnage, ma foi, qui a marqué l'histoire des luttes des luttes indépendantistes mexicaines. Et on se faisait des réflexions, ça pouvait un peu avoir, au niveau des sonorités, ça pouvait rappeler un peu Kenny Arcana, un peu, effectivement. Ouais, non, mais grave. Avec le MAP, le ministère des Affaires Populaires, ce genre d'influence, il y a de l'accordéon, voilà, c'est des sonorités. Il y a comme ça, des thématiques. Ouais, c'est des thématiques qu'on retrouve aussi dans ce genre de, chez ce genre d'artiste, effectivement. C'était assez sympathique. Eh bien, on dirait quand même que le temps passe, messieurs, dames. Alors, on va faire un petit truc. On va vous laisser avec deux morceaux, ma foi, d'artistes qu'on apprécie retrouver ici. Puisque on va devoir vous laisser, on va vous devoir rendre l'antenne. On va vous laisser avec un copain qu'on a déjà eu l'occasion de vous diffuser, qui est dans le Nord, qui habite le Nord, qui habite sur l'île, Gluten, avec l'artiste Eurostrat, un morceau qu'on vous conseille de regarder, d'aller suivre sur les réseaux. Oui. Et aussi un groupe qu'on aura l'occasion de retrouver et qu'on aime bien promouvoir et qu'on aime bien mettre sur les ondes, c'est l'usine Drex, pour laisser les auditeurs contents. Hein, là-dessus, je pense qu'au moins, il n'y aura pas de jaloux comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde en va en prendre pour son compte, et comme ça, on va pouvoir vous laisser tranquillement, très tranquillement, vous rendre l'antenne, messieurs, dames. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes, c'est toujours un plaisir de salir les ondes avec vous. Restez connectés, vous êtes sur le 107.0, la station qu'il vous manque. qu'il vous manque. Peut-être, c'est peut-être ça aussi que les gens, c'est peut-être pour ça que les gens ont du mal à réagir. On vous laisse avec ça, messieurs, dames. On vous dit un dernier bisou avant de repartir. Juste Aerostrat avec le titre Gluten et l'usine, bien sûr. Le pacte, on reste connecté. 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. Yeah. Surtout quand ça marche, les micros. Ah bah, il y a des transitions qui se font plus facilement que d'autres. Hein. Allez, on reste connecté. Vous êtes toujours avec nous, messieurs, dames. C'est toujours la Big Antenne. Le gluten provoque des états dépressifs, de l'irritabilité et presque tous les problèmes comportementaux. Si vous éliminez le gluten, vous n'êtes plus jamais énervé. Poto, je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. Je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. Ils m'ont dit, mon gars, tu peux pas sortir un EP avec que du boom bap, on est en 2019. Je leur ai dit d'accord, mais n'empêche, j'en ai rien à foutre de vos modes, qu'elles se fassent sauter dans un J9. Tu sais que j'ai toujours fait ma zi comme je l'ai voulu. On m'a refilé un son et il s'avère qu'il tue. Donc je vais le recouvrir de mots jusqu'à ce qu'il respire plus. J'ai mis le visage en allemand, il demande vers bisous. Dankeschön, Dankeschön, gros, je n'ai pas de bœuf, pas de feu, pas de blême, bro. J'ai les idées plus claires depuis que j'ai arrêté la fumette. Maintenant, si ma meuf m'engueule, j'ai sûrement pissé sur la lunette. Tout commencera par une allumette ou par une balle de sicro à la limite. Elle fait l'aumône pour que je l'allumette. La petite junkie, je la mate avec de la mette. Sur celle-là, les puristes diront que je suis pas si mûr. C'est pas grave, je les aime bien même s'ils sont quasi morts. C'est des gentils dinosaures comme Casimir. Ça, c'est sûrement le gluten qui s'exprime. Je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. Je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. T'as voulu m'en empêcher, quoi. Mais dire que ce soir tu vas pas rentrer chez toi. On va te repêcher dans un sac en plastique. Mesure drastique plongeant ta mère dans un grand désespoir. Ils ont peur que je les fume. Ils détalent comme des pigeons, ils ont peur que je les plume. L'argent parlait, la banque a toujours raison. Mais les plus obstinés y ont laissé leur maison. Donc vas-y gros, appelle le psychiatre. On va régler les problèmes de fin de mois avec du C4. Que les amateurs s'écartent. Big guns, clash d'armateurs. Que les fâches passent l'arme à gauche. Yeah, yeah, ramenez-moi mon oseille. J'ai besoin de l'amour de ma mère et de confiture de groseille. On ira canner sous le soleil. On s'aimera à en perdre le sommeil. Tous les jours je fais du son. J'écoute leur rap, je fais le sourd, je veux du sang. Ça me déconcerte, ab, jeu d'amour, séduction. Sans trop de compromission, c'est la seule solution. Ouais poto, je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. Je mange du gluten, je fume du butane, pétasse. Faut pas que tu m'aimes, petit, faut pas que tu traînes, vorace comme une murène. Ce que je veux, c'est ciel bleu, sable jaune, le drapeau de l'Ukraine. C'est justifié, c'est scientifiquement prouvé pour une partie de la population, c'est-à-dire les malades, les vrais malades du gluten, s'ils prennent même une poussière de gluten, les malades attaquent. Bien sûr que c'est scientifiquement prouvé. Il faut y faire attention. Thank you. pas que sur une page. On résume pas une vie avec un court métrage. Domino, j'ai percuté la rage. Que Dieu me préserve de taper dans la pure. Je cours encore malgré mes courbatures. Je viens briser des nuques. Je fais du paraborde avec ta parapute. À chaque paragraphe, je passe un hypercute. Trou duc. Nya sangue africano, style americano. Sempre buta juga, nunca buca gagne. Rapacinho cala. On vise la tête, non pas les jambes. Y'a que les moutons qui suivent les gens. Je pourrais pisser sur ta légende. Tout ça pour des billets de 500. Plus je m'approche, plus j'ai la vision floue. Je peux plus voir leur tronche de fils de porc. Tirons-nous d'affaires sur un vice de forme. Tu tires la corde, elle en tient, t'es pire que mort. Bang, bang, tu veux plus rien dire comme un disque d'or. Les valeurs se perdent à force de faire pour plaire. Alors écoute cette merde qui ferait plaisir à ton père. Je plante fort, même quand j'ai pas la forme. Vu que la mort m'apprend à vivre, je vais être ivre jusqu'à la mort même. On va la jouer carte sur table, c'est pas l'heure de se taire. T'iras jamais bien loin si t'as peur de perdre. Tu t'en prends plein la gueule. On va les baiser pour de vrai. Gentil là qu'un œil, je les ferme pour te viser. Quand il arrive, il faut du dégât. Ici, nous sommes dans les toxiques. Quand il arrive, il faut du dégât. Ici, nous sommes dans les toxiques. Quand il arrive, il faut du dégât. Ici, nous sommes dans les toxiques. Quand il arrive, il faut du dégât. Ici, nous sommes dans les toxiques. Lève les bras, mon frérot. J'perra sous les draps, j'l'apprends le hôtelo. Même avec ma tête, mes crânes, j'adore la lispo. T'entends amigo, chauffe la plaquette avec le zippo. Toi dans les affaires, non toi tu joues du pipo. Laisse-moi faire ce que j'sais faire, laisse-moi remplir le frigo. J'perds le nord et trouver le sud. J'ai bien étudié le truc. Ce sont tous tes fils de pute. Ouais, ce sont tous des fils de pute. Mon frère au cri, le Z et t'auras des ailes. Mon frère au cri, le Z quand t'es avec elle. Dites à ceux d'en haut que la lumière est sous tes rêves. Si la Hesse me quitte, qu'est-ce que je perds? En vrai, je l'aime. En vrai, je l'aime. En vrai, je l'aime. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, raconte pas tes crâneries. Car je t'écoute pas comme un alcoolique qui parle dans le vide. J'paiera pour le peuple, nique l'empire, les ports. Fabrique une perle pure, c'est par la peur que ma musique atteindra ton subconscient. Ne suis pas ma logique, elle n'a plus de bon sens. Suce mon gland, je reprends mon art et ma mine. Je rapperai mon air et mes rimes, je les remets jamais. Ne rame le crâne comme un gramme de crème. Et par le Z, tu périras, tu payeras, tu pourriras. Ils pariront, rien ne pourra rond, fait par un rage, repars en. Donne-nous le voir qu'ils sont quand il arrive. Hey, ladies and gentlemen, c'est vous toujours, vos humbles chers auditeurs, sur le 107.0. C'était l'usine, avec juste l'usine avec le titre Le Pacte, précédé par Aerostrat avec le titre Gluten. C'est malheureusement déjà la fin de notre émission, messieurs, dames. Toutes les bonnes choses ont une fin, semblerait-il. Toutes les bonnes choses ont une fin. On reste connectés, on reste sur les bonnes ondes. T'as une petite dédicace à passer, peut-être, Drex? Avant de partir, je sais pas, au poteau, à la MIFA, tous ceux qui écoutent, tous les auditeurs. À Denzel Curry, je sais pas, à la veuve, à Notorious Big, je sais pas. À Chuck Knight, peut-être, à tous ceux-là. En tout cas, on reste connectés, messieurs, dames. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec de nouvelles actus, de nouvelles surprises, une actu bouillante le mois prochain. Restez connectés, on suit sur les réseaux. On est la Big Antenne, c'est la fréquence qu'il vous faut. Stay with us, here we go. La big antenne.